Chapitre 20e, la marque. Au petit jour, il arriva devant le bungalow blanc. « Tout le monde semble dormir ici, se dit-il, mais je sais qu'il est un homme qui veille, Paulin Broquet, et une femme qui pleure, Matsuru adorée. » Sans donner l'alarme, il se glissa dans le jardin, et fidèle à son devoir, n'ayant pas terminé sa mission, il passa devant le pavillon qui abritait Tsuru et ses sous. Il vit la lueur rouge de la veilleuse qui brûlait encore malgré le jour naissant. « Cher Tsuru, dit-il, elle a veillé toute la nuit, elle a pleuré, et ses yeux doivent être rouges comme la lueur de la veilleuse. » Il envoya des baisers vers le pavillon. « À tout à l'heure, ma douce branche de glycine, à tout à l'heure. J'aurai besoin de la rosée matinale de tes baisers pour mon pauvre corps fatigué. » Ayamaki craignit que, dans sa joie de le revoir, Tsuru ne poussât des cris qui eussent trop tôt donné l'alarme au bungalow, troublé Missiden, réveillé peut-être Darling, et ici, Sessou, dormant si bien en suçant son poing fermé. Il passa devant le pavillon et se dirigea, à côté de l'écurie, vers le pavillon où habitait le colosse Pagnose. Pagnose, déjà réveillé, faisait consciencieusement sa barbe avant d'aller panser son cheval et Shorty, le poney de Darling. En voyant Ayamaki apparaître dans l'encadrement de la porte ouverte sans bruit, Pagnose, toujours sur ses gardes, saisit son revolver. Mais rapidement Ayamaki le rassura. « On sait naturellement, dit le japonais, aperçu de mon absence. Que dit-on, que pense-t-on à la maison, chez les maîtres ?» Tout d'abord, le voyant dépenaillé, défait, Pagnose lui versa pour le remettre un grand verre de whisky et lui raconta les transes de la nuit. Que voulait faire le maître ? Une voix répondit « Si tu n'étais pas revenu, j'allais aujourd'hui fouiller moi-même la maison de Fuzi. » Paulin Broquet venait d'entrer. Ayamaki se précipita vers lui. Paulin Broquet lui serra les mains. « Tu as échappé, je m'en doute, à une mort terrible, car je sais en quelles mains tu as dû tomber. » Paulin Broquet ne s'était pas couché. Il attendit toute la nuit le retour du japonais. Et l'ayant vu pénétrer dans le bungalow, il accourait aux nouvelles. Seulement il écarta le verre de whisky qu'offrait au japonais le bon Pagnose, qui ne connaissait rien de meilleur en toute occasion, et il envoya le cow-boy à la cuisine préparer du thé. « Parle, dit-il à Ayamaki, quand le grand Pagnose fut sorti. Raconte-moi ton aventure. Dis-moi comment tu as pu échapper au traquenard de ces misérables. » Ayamaki, sobrement mais avec des détails précis, lui fit le récit des événements dans lesquels nous venons de le voir se débattre si vaillamment. « Oui, dit Paulin Broquet. Ils ont voulu nous donner à entendre qu'ils pouvaient, si bon leur semble, nous faire passer par le couloir de l'oubli. C'est de toi qu'ils se sont servis, pour nous envoyer ce qu'en France on appelle un avis au lecteur. » Mais quand Ayamaki arriva au moment où sa jambe prise, il ressentit une douleur, une brûlure, Paulin Broquet lui dit. Ils t'ont mis sur la jambe leur terrible signature. Et sur le sol avec le pied, il traça le Z. Montre-moi ta blessure. Ayamaki présenta son mollet. Dans la chair vive, sur le mat de la peau, en effet, un Z se trouvait profondément imprimé au feu. Ayamaki ne put se défendre d'un frisson. « Zygomar, fit-il. « Zygomar, oui, dit Paulin Broquet, et il tint sous son regard d'acier qui interrogeait l'âme, le japonais. Le japonais ferma une seconde les yeux. Sa figure devint plus grave, plus triste, comme si une vision intérieure était passée sous ses paupières closes. Il venait de voir Tsuru et Sessou, mais il ouvrit les paupières. Maintenant, ayant repris sa figure calme, son sourire, il dit tranquillement à Paulin Broquet « Quand même, maître, je vous obéirai. » C'était tout bonnement magnifique, héroïque. Paulin Broquet lui prit les deux mains et les serra longuement, affectueusement. « Tu es un brave, Ayamaki. Tu as un noble cœur et une âme admirable. » Puis il l'emmena. « Maintenant, va rassurer ta chère Tsuru, lui dit-il. « Embrasse-la bien, car elle a beaucoup pleuré cette nuit. » Paulin Broquet alluma une cigarette et tout en fumant, se promena dans l'allée du jardin, pensant à ses événements. « Bien, se dit-il. Zygomar est ici. Il prépare quelque chose et il me donne à entendre qu'ici, moins qu'ailleurs, je n'ai à me mêler de ses opérations. » En souriant, il conclut « Ce qui ne m'arrêtera pas plus ici qu'ailleurs. » Hélas, Paulin Broquet ne se doutait pas, ne pouvait se douter vraiment de ce qui le menaçait. Pour son cœur, pour celui de Missiden, le supplice qui les attendait dépassait en horreur, en angoisse, le vivier aux murènes. Et l'être cher qui le premier devait passer par le couloir de l'oubli n'était pas celui qu'il pouvait supposer.